est vide. Moi tu claves, vengeance est pleine quand le bail est vide. Baby, on peut parler de la rue, mais c'est pas très simple. 4-0 sur les chèques, c'est pas assez zinc. Ils aiment pas bang bang, le public bien dingue. Nous on est chaud pour faire la guerre tant qu'il y a assez de flingues. Tu peux parler de la rue, mais c'est pas très simple. 4-0 sur les chèques, c'est pas assez zinc. Ils aiment pas bang bang, le public bien dingue. Nous on est chaud pour faire la guerre tant qu'il y a assez de flingues. Dans les Arabies, je peux pas parler d'autre chose. Trouver une meuf qui me plaît, c'est chercher une bière dans une maison close, you know. Nous on est sur la blouse, toi t'es sur la touche. La vérité sort pas des mecs, wesh, quand un Glock dans la bouche. Ouais, je suis arrogant, un peu narcissique. Mon son c'est un viol lyrical, DSK participe. Susceptible, donc charrier vite, barillé vite. Moi je dis que la vengeance est pleine quand le barillé vide. Baby, quand FAP arrive, le 9-3 se sent fier. Ici on dort cagoulé, même dans les rêves y'a des bras quoi à faire. Le temps de changer d'arme, plus le temps d'y arriver. Tellement je mâche pas mes mots, je peux vomir beaucoup de vérité. Rester sur la scène ou sauter dans la poule, Rasoul. C'est pas le rap qui est mort, c'est moi quand t'es la new school. Je voulais quitter l'école, bien avant le lycée. Les keufs nous baisent en garde à, c'est ça un roman policier. On peut parler de la rue, mais c'est pas très simple. 4-0 sur les chèques, c'est pas assez zinc. Ils aiment pas bang bang, le public bien dingue. Nous on est chaud pour faire la guerre tant qu'il y a assez de flingues. Tu peux parler de la rue, mais c'est pas très simple. 4-0 sur les chèques, c'est pas assez de zinc. Ils aiment pas bang bang, le public bien dingue. Nous on est chaud pour faire la guerre quand y'a assez de flingues. Dans les gardes du 9-3, c'est là que tu trouveras plus de sang. Quand t'auras compris que je te baise là, tu feras du rap conscient. Je réponds qu'à cause du porno, mes relations s'effondrent. Ma conception de l'amour se trouvait dans une gorge profonde. Le rappel profite aux croyants, ouais t'as ma parole. Les rafales vers ceux qui croyaient qui pouvaient me carotte. Dubert, la news couleur est du ster. Nique sa mère, on surpasse pas, F.A. baby. Accusé d'être né, condamné à mourir. Punchliner, je crèverai sur une dream pourrie. C'est ça qui me fait sourire. Aïe, je suis au top, dis-moi pourquoi tu rages l'ami. Dis-moi comment tu rappes, te dirai à qui tu suces la bite. Les rages sont intéressants quand tu parles de nous. J'ai une vie monotone, je suis le seul à faire du lourd. C'est pas en serrant les yeux très fort que tes larmes vont se contenir. C'est pas en écoutant du zouk que ton ex va revenir. On peut parler de la rue, mais c'est pas très simple. 4-0 sur les chèques, c'est pas assez zinc. Ils aiment pas bang bang, le public bien dingue. Nous on est chaud pour faire la guerre tant qu'il y a assez de flingues. Tu peux parler de la rue, mais c'est pas très simple. 4-0 sur les chèques, c'est pas assez zinc. Ils aiment pas bang bang, le public bien dingue. Nous on est chaud pour faire la guerre tant qu'il y a assez de flingues. On peut parler de la rue, mais c'est pas très simple. 4-0 sur l'échec, c'est pas assez de zinc. Ils aiment pas bang bang, le public bien dingue. Nous on est chaud pour faire la guerre tant qu'il y a assez de flingues. Tu peux parler de la rue, mais c'est pas très simple. 4-0 sur l'échec, c'est pas assez de zinc. Ils aiment pas bang bang, le public bien dingue. Nous on est chaud pour faire la guerre tant qu'il y a assez de flingues. Bang bang, le public bien dingue. Nous on est chaud pour faire la guerre tant qu'il y a assez de flingues.